Bonjour, mes chers amis. Bonjour, bonsoir. Excusez-moi que ça c'est pour nos amis de YouTube. Désolé, excusez-moi. Voilà. Voilà, chers amis, sur YouTube, vous me saisissez bien? Sur Facebook, je pense ça va. Je pense que vous me saisissez très bien. Sur YouTube, je vois pas les commentaires. Sur Facebook, je pense que ça va. OK. Merci, Amel Fred. Merci. Voilà. Donc, sur Facebook, nous vous demandons de taguer les autres amis qui se joignent à nous. Et sur Facebook aussi, si vous pouvez. Voilà. Ouais, je pense que là, ça va. Voilà. Voilà. Merci, Nelly. Merci. C'est bien. Et taguez les autres amis, hein? Comme ça, on va commencer dans moins de 2 minutes. C'est dimanche, vous êtes à la maison. Pour ceux qui ne travaillent pas les week-ends, vous êtes à la maison, taguez les autres amis, comme ça on va commencer dans un instant. C'est bien, merci. Merci. Voilà. Et les Milouvores ont déjà commencé, Basiliki. Nalobi, je n'ai pas encore commencé à parler. Voilà, les Tshisekedi sont en colère déjà. ces gens ici, je ne sais pas si nous sommes créés la matière Mokobisonios ou bien Ndegeni, je ne sais pas. Voilà, donc aujourd'hui, je promets, nous allons faire moins d'une heure, le temps que les autres amis nous rejoignent. Oui, Nelly, les infiltrés sont déjà là. Ils sont prêts. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont déjà prépayés et juste uniquement pour nous. Ils sont affectés à notre vie. Dès que vous commencez, ils sont déjà là. Vous n'avez pas encore commencé à parler. Ils ne savent pas pourquoi vous êtes là. Et ils commencent déjà à insulter. Ah, mais la grande insulte, leur gourou, hein, Félix vient de l'avoir, hein, en Éthiopie. Hein. On va en parler. Hein. Insulte Yamakasi, ou répondre. L'insulte que vous pouvez répondre, c'est de répondre aux présidents africains hein, qui ont infligé une insulte à votre idiot national. Voilà. Nous sommes là pour ça. On va en parler. Soyez calme. bon, voilà. Merci. Merci les amis, merci à tout le monde, merci d'être là, comme d'habitude. Avant de commencer, je voulais juste passer une information, comme toujours, hein, il y a une information avant de commencer. Le procès de l'histoire de notre fils dont je vous ai parlé la fois passée. La première apparition est programmée pour le mois d'avril, le premier lundi du mois d'avril. Donc, ça va chauffer, hein. Nous avons des révélations, des informations, des tentatives de corruption, mais nous sommes catégoriques. Tokendeti Nasuka, catégorique. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Félix en Éthiopie. Nous allons parler de député de Milouvor à l'Assemblée nationale. Nous allons parler du Rwanda, juste une phrase. Et s'il y a du verre, bon, on va en discuter et puis on va se séparer là. Bon, Tobanda. Bandeko, oyobozali na Facebook. Vous n'allez pas voir la photo qui est sur YouTube. Donc, la photo background, na biso na YouTube. Bino na Facebook, bromo na yangote. Mais les amis qui sont sur YouTube, vous voyez la photo qui est derrière moi. Je dirais donc des photos. Hein? Donc, nazi yango na capture d'écran. Il y a presque quatre photos. Mais les amis qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi voir ça, mais pas sur notre live. Si vous allez sur ma page, vous allez voir la photo de Félix en Éthiopie. Bon, il semblerait que le Congo est un pays. Il semblerait que le président congolais est expérimenté en relations internationales. Il semblerait que Félix est un grand diplomate, est un grand stratège des relations internationales. Vous savez, depuis l'histoire, il y a Union africaine, organisation, il y a État, il y a Afrique, Banda et Banda. Siège Nango Boyebi, Ezali, na Éthiopie, na Addis Abeba. Ba o bazwa nan chance ya okomate, ya okomakunate, biso tozwa chance ya koleka na Éthiopie, toyebi. Siège ya Organisation des États africains. Alors, Boyebi ke na ba réunion nyonso dans les relations internationales. Na ba conférence nyonso, na ba réunion nyonso, ba forum, ba colloque, tout ezala organisé par des États, ezala organisé par des organisations non gouvernementales. Nyonso, en réalité, le premier jour ou bien le dernier jour, ba organisateur ba zwaka toujours une photo de famille. Cette photo de famille est importante pour naba organisateur et importante aussi pour le participant. Et ba réunion nyonso, so il y a système, il y a Nations Unies, ce qui est banni ou bien ce qui est sili, il y a toujours une photo de famille. Photo de famille wana batika ango na archive na ONI na archive même na organisation y a ba pays africain etika la ka toujours na archive et comment une culture organisée okomona ba président mususu na réunion na ebandeli azalaki te akosala tout azala wana na dernier jour pour na photo de famille. C'est très important pour nos archives. Il y a batu oyo ba étudiaka politique, il y a organisation yango, il y a ba étudiant oyo bazotanga politique, il y a ba étudiant oyo bazotanga organisation, il y a ba société, Donc, Isalie, une photo importante pour tout le monde. Bah, monsieur Sobakoya, ceux qui ont une photo de famille, ils quittent pour baza occuper, bah, qui na misala na bango mususu. Banda, organisation où il y a unité africaine et Banda. Beaucoup on a tous les présidents africains, les 50 présidents africains, les 45 présidents africains, les 48 présidents africains, les 51 présidents africains, les 52 présidents africains, 53 présidents africains, 54 présidents africains, bazalaka toujours. Et photo, on a des familles. Et ça, les makam mingi, les jours de passation, il y a pouvoir entre le président en exercice, ou à Sirisi mandat naye, et le président Oyo Azakozwa mandat yasika. Donc, le président sortant et le président partant. Tout le monde bazozo va foutre. Alors, Ezali Kokamwa, surprenant, étonnant, insultant, pour la première fois de l'histoire de cette organisation de l'unité africaine, voir un président sortant qui doit faire remise et reprise avec le président entrant, boycotter la réunion, il y a remise et reprise. Le président sortant préfère passer les flambeaux au président entrant par téléphone. En relations internationales, ça s'appelle tout simplement insulte. Ça s'appelle tout simplement insulte. Le président sortant, M. Ramaphosa, le président sud-africain, a préféré aller manger dans un restaurant en Afrique du Sud et puis prendre son avion, aller rejoindre le président de la République du Congo à Brazzaville. C'est insultant que si moi j'étais à la place du président de la République à démocratiser du Congo, je devrais démissionner à l'hélico. Je devrais démissionner. Je ne peux pas supporter que le président africain insulte mon pays, qui est parmi les pays les plus importants, le plus influent de cette unité de l'Union africaine. Sur 54 présidents qui composent cette unité de l'Union africaine, on a vu la présence en Éthiopie à Addis-Abeba, un seul soi-disant président. Un seul. Pas deux, pas trois. Aucun premier ministre dépêché. Aucun envoyé spécial dépêché. Aucun conseiller dépêché. Le président de la République a démocratisé du Congo s'est retrouvé seul avec sa famille tribale. En quittant Kinshasa, le président de la République a démocratisée du Congo a affrété des avions avec à ses bords 500 membres de son ethnie. 500 membres ont fait le déplacement d'Addis Abeba par deux avions affrétés par les trésors publics de la République à démocratiser du Congo. Bavion mi balé. Félix a affrété Nakatinango batu 500. Nakati batu 500, entre autres de Milouvor, de Taliban, des Djaléloïstes et quelques Loubas. 500. Au moment où nos équipes, équipe Nabissou, nos enfants, nos frères et sœurs qui pourrissent dans deux pays. Vous avez remarqué cette histoire de COVID. Il y a eu beaucoup de citoyens de ce monde qui ont été bloqués dans d'autres pays. Et leurs pays d'origine ont organisé des frettes pour rapatrier leurs concitoyens. Le Congo n'a rapatrié personne. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'avion. Voilà notre national pour aller prendre le bâton de l'unité de l'Union africaine. Il a affrété des avions. 500 membres de sa tribu pour aller l'applaudir. Cinq cents. Ils ont payé les hôtels, leur déplacement à Addis Abeba, la nourriture, la restauration donc. Et imaginez-vous combien qui a été dépensé. Bandeko Obazali na YouTube, regardez le photo, disons. Les quatre photos qui sont derrière moi. Bon, on a la première photo, l'icono. Et si Kawana Bozomona Félix a télémi. Ezali et Sika, le président africain prennent leurs photos de famille. Tout le monde, avant soit de commencer la réunion ou avant de terminer la réunion, tout le monde monte au podium pour une photo de famille. Alors, celui qui prend le rôle du président en exercice se place au milieu et les autres pairs l'entourent. Et vous allez voir depuis des décennies. C'est comme ça que les photos de famille se prennent avec ces présidents africains. C'est pour la première fois dans l'histoire de cette organisation de voir un président qui prend le pouvoir de diriger l'Union africaine se prendre la photo lui-même, debout lui-même. Na podium. Mes chers amis, la personne que vous voyez avec Félix, debout avec Félix, n'est pas un président. N'est pas un président d'une république. C'est le président de la commission. En quelque sorte, je dirais, le directeur de cabinet ou bien le secrétaire général. C'est lui qui organise le secrétariat de l'Union africaine. Quand on prend la photo de famille, celui qui fait office de secrétariat ne vient pas au podium avec le président. Ça, c'est une place qui est réservée pour le président. Mais hélas, Félix s'est retrouvé à Addis Abeba seul, Yemoko. Je vous dis, seul, Yemoko, avec ses 500 frères et sœurs de la tribu, de sa tribu, il s'est retrouvé seul dans la salle. Aucun président, aucun autre président d'un pays africain, aucun premier ministre d'un pays africain, aucun ministre des Affaires étrangères d'un pays africain, aucun envoyé spécial d'un pays africain, aucun conseiller d'un autre président africain. Et pourtant, na coutume dans les relations internationales, événement yaboyé, si le président est empêché, il envoie son premier ministre. Si le premier ministre est empêché, on envoie le ministre des Affaires étrangères. Si le ministre des Affaires étrangères est occupé, on envoie les conseillers. Si les conseillers sont empêchés, on envoie un envoyé spécial. Mes chers frères et sœurs, tous ces 53 autres pays africains n'ont envoyé aucun représentant à Bango pour assister à la passation du pouvoir de Félix. Yemoko président Oazalaki Oaouti Kobima, sud-africain, il n'a envoyé ni un ministre, ni un conseiller, ni un envoyé spécial, ni l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Éthiopie. Personne. Mes chers amis Milouvor, vous devez vous taire. Vous devez vous taire et vous tairez comme des lapins. Si réellement vous étiez des humains, Sokibo Zalakabatu, il faut. Je ne sais pas, notre ami Ted nous dit la vidéo Beg. C'est quelle vidéo sur Facebook, Ted? Aide-moi rapidement. Ted Becker, please. Aide-moi, c'est quelle vidéo qui Beg? Celle de Facebook ou bien de YouTube? Rapidement, s'il vous plaît. Il y a un ami sur Facebook qui nous écrit une vidéo des Amalamouté. Alors, aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ami sur Facebook, aidez-nous, s'il vous plaît. La vidéo, il y a un problème? Vous m'entendez très bien ou comment? Réagissez rapidement le mien, s'il vous plaît. La vidéo fait quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, Nancy dit Ezabien. Ted dit Ezabienti. Alors, qui croire? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Nancy Léonie. Merci. Ça va bien. Merci. Merci Patrick Fataki. Merci. Donc, je disais que tous ces présidents africains, s'ils étaient réellement empêchés, ils devraient envoyer un envoyé spécial ou mandater l'ambassadeur de ces pays-là en Éthiopie. Parce que tous les pays africains sont représentés en Éthiopie par leurs ambassadeurs. On n'a vu aucun ambassadeur de ces pays. Félix s'est retrouvé seul dans la salle avec ses frères de sa tribu. Alors, vous voyez dans la photo, Félix, la première photo, Félix est debout avec le secrétaire, avec le président de la commission. Aucun autre président autour de Félix. Et la salle est vide. On reconnaît juste les conseillers de Félix. Alors, vous allez, il y a des ceux qui disent, bon voilà, il y a un problème de COVID, c'est pour cela, ces présidents n'ont pas fait les déplacements d'Addis Abeba, vous êtes des menteurs et des sorciers. Tenez, Félix est arrivé en Éthiopie. En Éthiopie, l'Éthiopie comme pays, ils ont une présidente. La présidente de la République d'Éthiopie a préféré rester à la maison dormir à la place de venir rencontrer Félix. Président ya Éthiopie azalaki wana na Addis Abeba. Elle était chez elle à la maison. Elle a préféré aller à la Pongi que aya kokutana na Félix. Ça, c'est de un. De deux, président ya Éthiopie, capitale ya pays na Bango, et Sika, siège ya unité africaine Ezali. Éthiopie comme gouvernement Batindi, ni un ministre, ni un conseiller, ni un envoyé spécial. Ils étaient là. Ils ont préféré le samedi rester chez eux dans Banda Kunabango avec leur famille. De deux, je parlais, il y a président Ouahouti Kobima. Il devrait être en Éthiopie pour que après sa bâton et pas à Félix. Le président sud-africain a boyi à Kokendiko Koutanana Félix T. Il n'a envoyé personne, ni un ministre, ni un conseiller, ni un envoyé spécial, voire moi-même, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Éthiopie. Personne. De deux, de trois, disons. Ceux qui disent l'hypothèse que non, à cause de COVID, vous êtes des menteurs. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Paul Kagame s'est retrouvé hier samedi à Bangui, en République centrafricaine. La raison de l'absence de Paul Kagame en Éthiopie, c'était à cause de la pandémie de COVID. Le président rwandais ne peut pas faire de déplacement d'Addis Abeba. Mais hélas, on voit Paul Kagame à Bangui avec le président centrafricain. Le même jour, il dit à Félix, je ne viens pas, excusez-moi, je ne viens pas parce que il y a cette histoire de COVID, je préfère rester à la maison. Et notre national l'a compris. Et au même moment, le président rwandais prend son avion direction République centrafricaine, rencontrer le président centrafricain à Bangui. De deux, une dizaine de présidents africains, le même jour, le même samedi, ils se sont excusés de ne pas aller à Addis Abeba. Mais cette dizaine de présidents se sont retrouvés à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, répondre à l'invitation de Denis Sassou Nguesso pour l'inauguration d'une université. Chers amis Milouvor, franchement, vous êtes toujours idiots, vous ne pouvez pas vous libérer. Vous ne pouvez pas vous libérer. Vous restez toujours idiot éternel. Botikali kakaba idiot éternel. On pouvait bien comprendre. Oui, à cause de la COVID, ce président ne pouvait pas se déplacer en Éthiopie. Félix s'est retrouvé seul. Seul alors. Ni fils, petit-fils, cousin, beau-frère d'un président africain dépêché d'urgence allait représenter un président parce que Ezali événement moko ya monene, quelqu'un qui prend possession ya direction d'une organisation continentale, d'une organisation régionale, et lui-même Félix a affrété 500 milouvor na kati kuna ba memi bimpuka ya ba milou ya ba mboa ba kende ko sala fête na Addis Abeba ba champagne na Addis Abeba alimete 10e rue fête na fête na kabeya ka mwanga fête na fête ba mboa mitu e katani ba msusu ba grillé bango ba msusu ba tokisi bango ba msusu ba tumbi na maboke lui-même Baviomi Balé akena ba milvor na Éthiopie, arrivé na Éthiopie, il se retrouve yemoko na kati ya salle, aucun président, aucun ambassadeur, aucun vice-président, aucun ministre, aucun conseiller, aucun envoyé spécial, aucun beau-frère, aucun cousin, aucune femme, aucun fils, aucune fille d'un président africain. Quel sabotage! Quel sabotage! Bandeko, na yebi sakabino que à tout moment, bat balanda angai, bako se rappelé. Je vous dis, je vous ai posé à maintes reprises la question de savoir au juste qui respecte Félix. Bandeko balanda angai bo yebi. Je vous ai démontré ici. Au niveau de sa famille biologique, Félix n'est pas respecté. Naebi sabino que les enfants de Félix respectent leur maman que leur papa. Ça, c'est vrai. Ce qui t'a cueilli au niveau organisationnel, il y a parti na bango. Qui respecte Félix à l'UDPS? Félix a lobby A, ba oué wa bazou ba moto, ba lobby B. Félix a lobby boye, ba oué wa ba lobby et l'eau comme sous le contraire. Et vous voyez, même la présidence na ye moko, dans son propre bureau, Félix entre dans une salle de réunion avec ses conseillers. Les conseillers sont assis. Bazo Sorana Bango entre Bango, comme si c'était un petit malfrat qui vient de rentrer. Personne ne se met debout. Jusqu'à ce que M. Ebarande rappelle au conseiller, monsieur, le président est là. Bamoni président Azokota. Parce que le président a l'équipe Bango Namakolo, président Ake a Télémi. Le président pour Avanda Azozela va conseiller à Félix ba telema pour que na signe y a respect après sa bango signe ba vanda les conseillers boude leur président ba vandi président à koti quelques 3-4 minutes jusqu'à ce que monsieur Ebarande a gangi que président à koti mais comment est-ce que boza toujours au vanda bozo continuer ko solo là na ko cité vidéo ezali vous avez dit. Une autre photo. Ba photo wana ba vidéo wana, moi je ne suis pas la présidence de Félix. Bango moko bat bazo kanga ba photo wana ba vidéo wana bazo tinde la biso. Vous avez vu une autre photo. Un président de la République reçoit un autre président. Un conseiller de Félix dans la salle le met dans la poche. Au moment où Félix yemoko maboko na se na ki na cadre de respect na président Moussousou, ba conseiller ya président na mususu maboko na se mais les conseillers de Félix maboko na poche c'est ça l'identité milouvorienne des tshisekedistes ils sont comme ça. Qui respecte Félix? Nanda kunaye personne ne le respecte. Bana naye nanda kunaye mutachaka ordre nanda ku c'est sa femme. Ça c'est vrai. Quand la femme de Félix sort, nanda ku basuri nyo so bazobi na nyawa bini. Nyawa zati. Vous n'allez pas croire le papa est dans la maison. Bana bazo bunda, bana bazo fingana. Ça c'est un proche de Félix qui me le dit. On dirait papa zati. Personne n'a peur de Félix, personne ne craint Félix, personne ne respecte Félix. Et ce qui est okay, plus loin, dans sa famille biologique, il y a Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Tout le monde n'est respecté par Félix parce que je naloba yango déjà que Félix à cause de la morphologie naye, bana naye, pardon bandeko naye, ba frère naye, ba bandeko ko respecter Félix c'était. Ça c'est vrai. Na famille biologique na ye ba parents na ye personne ne respecte. Na ndaku na ye moko ya bana na ye moko personne ne le respecte. Na parti na ye personne ne le respecte. Na présidence na kati ya bureau na ye personne ne le respecte. Tokeyi na na niveau sous-région. Non, tokeyi na niveau ya pays. Les Congolais ne respectent pas Félix. Pouvez-vous croire ba Congolais ou ba rezo respecter président na bango? boulangerie et sala lipa. Ba pesa lipa wana bazo sala lipa d'abord na forme ya ya président elongi na yendenge ezali ba pesi kombo ya lipa mabundi ya fati ngana zana ki chassate nazana boulangerie na ki chassate nazana ndekwate kaka mapa na ki chassate kombo wana na lipa wana esalami na ba boulangerie ya ki chassa e ba congolaise ba vana ki chassa ba bazo teka lipa wana ezo tambula na video na photo. Tout le monde bazo monango li pa kombo nango mabundi ya fachi et ça c'est respecter un président. Au niveau national, personne ne le respecte. Toke na niveau sous-régional, Félix convoque une réunion de président oyo ye il faut azala, président ya Uganda il faut azala, président ya Rwanda il faut azala, président ya Burundi il faut azala. Tout le monde va promettre ye tokozala. Félix arrive comme Bakoyan en Mboka na ye. Il arrive le premier pour na ko arranger makamba protocole, ba tapis rouge na aéroport. Et comme na tango Félix a se déplacé à ken aéroport pour azela ba président wana ayamba bango. Protocole la Félix bazo informer ye oh. Boudiadia. Yo awozo sa prêté ok na aéroport ya Goma ko ya ba président wana. On vient de suivre les informations. Le président ougandais est en Tanzanie maintenant même. A où tu vas comment en Tanzanie? Le président rwandais a qu'en Tanzanie. Président ya Burundi a lobby à Koyati. Gifle. Insulte. Excuse mon côté. Ba président wana, mon côté atindi même premier ministre. Mon côté atindi même ministre affaires étrangères, mon côté atindi même conseiller, mon côté atindi qui même ambassadeur naie. Félix réunion wana ezala ki ya ba président wana sous régional ya Grand Lac, réunion e bongwani e komi une réunion tribale entre lui, son ministre des affaires étrangères et ses conseillers. Na kosite ba image ezali, Félix est rentré la queue entre les pattes. Aucun président n'est venu à Goma. Vous avez respect? Regardez maintenant. Hier samedi, Muninga vraiment bongami. Ake nakabeya kamwanga kuna ba milu nyonso et telengana ba balabala. Ba kangi kangi ba milu fête. Une partie ba milu, ba tindia mwana limete 10e rue. Une partie ba milu, ba tchena ba avion. Direction ba vio mi balé 500 personnes mususu ba uta ki kabeya kamwanga mususu ba uta ki dilolo mususu ba uta ki mission mi kalai mususu ba uta ki mbunjimai 500 personnes deux avions direction Éthiopie ya koma ki avant pour na respect président mususu ayé la présidente ya Éthiopie alinga ki quand même ko sala déplacement. Même ba président Moussou ba yete, président Oyo aye na mboka Oyo, chef ya organisation Oyo eza na mboka na ngai, na zakaka na kati ya ville moko, c'est juste 10 kilomètres qui sépare bureau ya Union africaine na palais ya président ya Éthiopie. Na voiture, ça ne prend que 10 minutes. Président Éthiopie a préféré alala na ye pongi na ndako. Président ya Congo a se retrouvé seul. C'est une insulte pour notre pays. Na ba pays mususu ezali sérieux. Les Congo devraient réagir. Automatiquement à partir à Éthiopie, les Congo devraient réagir. Ce qui a la kamutwaza na conscience. Loko la biso. Moutou o azali na bongo. Loko la biso. Je devrais démissionner sur le champ. Na Éthiopie na démissionner. Parce que azali insulte. C'est pour vous dire que batou o yo bazo sa la fête Félix ba nommé ye. Personne n'a nommé Félix. Azali présidente, présidence plutôt tournante. Ezalaki Rwanda mutazalaki na place wana Kagame atiki place na Sud Afrika Ramaphosa Ramaphosa atiki place na Congo ezali election te ezali présidence tournante et parenthèse dans le même sens, dans la même lignée. Les lobozo finga bakabiliste. Vous savez, c'est chez Okwitundu qui a négocié que Congo a se retrouvé na présidence tournante wana na Union africaine. Ezali béton te, béton sali le côté. Félix Azali wana pona mérite te. Félix Azali wana mutomoko a voté ye azate. Et ceux qui ont la vote, aucun président ne devrait voter pour Félix. Boyebi yango très bien, exemple yango. Ba président yo somoni ke non, Muninga ye mutazali siko président na tour oyo, to kende te honoreye, même si bo kende na Congo Brazzaville, kokutana na Denis Sassou Nguesso, zo avion mata na Éthiopie, pesa quand même Muninga ba félicitations, bo zo photo de famille, après bima kende na Congo Brazzaville, Kagame, Olongwe na Rwanda, Mata na Ethiopie, place on exam musikate, Koutana na Muninga, pesa ba félicitations, zwa photo de famille na Muninga, après kende na République Centrafricaine, Kosala Moussala na Yom Sozosala, président Ethiopie, vraiment maman, ata vraiment vous-même, comme disent les Congolais, ata vous-même. Batou Moussou Soki Balobi toko yate musika. Toko yate musika. Mama Muninga na kati ya ville oyo ozali. Mama wana mutema mabe. Mama wana ifu azala ki. Aza mutu abandundu. Aza muyaka. Mama wana lali pongi na ndako. Félix ye moko bozomo na foto wana. Alors, président ya commission. O azali loko la secrétaire. Amonike mutu abato mawa. Tika kakana ke tele manaye na podium, na kanga foto kasinaye. Ono signale kuna ke, ba conseiller na ye na ba minuvoro ba lobaki, oyo nyo so bazana ba vest, ba matana podium ba kanga foto e bimalokola ba président Mosusu. Protocole ya Union africaine ba pekisi bango, ba sala kangote. Awe koyiko sala mabongote, sa se ne pa le palais du peuple ya Kinshasa. Ça, ce n'est pas votre parlement, ya Congo. Ici, batouba matakana podium, oyo, il faut la président. Ba bengani bango, pour ba matalikolo podium, ba kanga photo na bodia diana bango. Quel soni! Ba soupwa milou, o ba memaki na ba avion, ba boaki yango. Ba boaki yango. Soni ba veste lembi. Alors, boyebi ke soni ezali ya bandeko na biso lobate. Bango ba yokaka soni te. Olé a démissionné. Olé a dénoncé. A réagir. Na sabotage oyo ba président africain ba salié. Lui préfère adresser un discours et pas ya ba conseiller na ye moko. A telemi na podium kuna. Ba conseiller na ye ba vandi. A bandi kope sa discours. Mais ce qui est étonnant, ce qui est idiot dans tout cela, discours y a Félix Abandi, mes chers collègues présidents. N'a qu'à qu'il y a ça, aucun président dit, attaque aux alliés idiots de Guénin. Mais quand vous voyez comme ça un discours, vous pouvez changer, circonstances changer. Mes chers collègues présidents, n'a qu'à qu'il y a un président ni Nazalaki. Citez-moi quel président ou Azaki na Katia Salo kuna, mes chers collègues présidents. Chers collègues présidents na Yohanine. Chers collègues présidents ya Tribi ou bien quel cher collègue président. Personne n'était là. Personne. Président Mokote Azalaki. Alors, ba yele discours même ba komela ki yo avant oya. C'est normal. Mais ero monike na Salo kuna président Moko Azaki. Mais changez, mes chers présidents, banane baza, vire chez Mangaza président. Ah oui, je comprends. Vire chez Mangaza président, il y a équipe à football. Ba o mususu baza ba président à ba association, ba mususu ba président, il y a ba association ba Milouvor, ba mususu ba président à ba association, il y a ba Milou, ba mususu ba président à ba association ba Kanish. Je pense qu'il parlait il y a pona bango, mes chers collègues présidents. Quelle honte! Quelle honte! Nakatia discours, na ye comme a se préparé déjà, il a prononcé une phrase, oyo, Banda na yoki yango, je me demande. Soki na Congo, CNPP koufa, ou bien CNPP zali toujours. Mes chers beaux-frères, chers Milouvor, y a pas moyen bon même à Félix batala ye moutou. Moutou à Félix et Zamalamou. Il dit quoi? Je vais lire. Félix dit ceci dans le discours naïe. Je ne comprends pas pourquoi les gens meurtris, affamés, frappés par le chômage et tout genre de calamités chantent à notre gloire avec, alors qu'ils devraient nous exiger plus comme c'est le cas en Occident. Eli Kolobani. Azali kokamwa. Ndenge nini bato oyo bazali meurtri bazo kufa chaque jour. Au moment où azotanga discours oyo na kote ya Beni kuna 19 assassinés. Alobi azokamwa ndenge nini bato bazali meurtri. Ndenge nini bato bazana nzala affamé. Ndenge nini bato bazali frappé na chômage, presque tout le monde est au chômage. Soko ozi musala c'est que ozali muluba. Azali ko kamwa bato oyo, bazali ko yemba po na gloire na biso, o lieba exige biso, ba compte, ndenge bato ya Occident basalak. Bandeko. Ndeko na biso Félix, franchement, azali ki yungu moko na ndenge wosakanati. Ba nani azo lobele? Me azo lobele ba milouvor na yet. Azo kamwa. Ndenge nini ba milouvor oyo bazali meritri. Bazo kufa. Bazana nzala, bazo liati. Chômage, misala ezati. Mais bazo continue toujours ko yembe langayi. Félix pe akamwe. Bomoni ba idio ndenge ba mituna ka ba kesyo bango moko. Nazo kamwe. Na kamwe, ndenge nini bazo yembe langa toujours. O liye ba tuna ngayi. Ba exige ngayi. Ba kont, nazo sala nini. Bazana nzala. Ifu ba senga na pesa bango bilo akulia. Bazana misala te. Ifu na kreye misala po na bango. Bazo kufa. Ifu na explike bango pourquoi bazo kufa. Ngape nazo kama batu oyo, bizengi oyo, ndenge nini bazo bete langa maboko toujours. Cher Milvor Boyoki, soki bo landa ki yete, bo zwa diskour na ye bo landa bo yoka. Kizengi na bino moko amituni yepe. Ndenge biso totunaka. Kizengi na bino amituni. Ndenge ni bozo kontine ko betile maboko. Ndenge ni bozo kontine ko yembela ye. E pourtant boza batu moko ifu bo exige ye. Plus. Kolia, bo exige ye misala. Bo exige ye pourquoi ba kongole bazo kufa chaque jour. Bandeko, o azali ki yungute. Non, bo sekate. O ezali ki yungute. Azali ki zengite. Félix Azo Tambla qui chasse partout Azo Kabanzembo Basiloga, béton, béton, béton, aux alliés béton, béton, moi na snif, béton, moi na chisike di béton, moi na koyazankoyi, moi na koyazankoyi, yo l'équipe bango stratège, le diplomate le plus expérimenté y Afrique, béton, béton, Abomi Kabila, béton, Akangisi Kabila, béton. Bato nyo so bazo yemba béton, na libumunzala. Hôpital moyen ba kende zati. Bako yiko tinda bana na klasi te. Ye moko pe beto na binu akamwe. E kamwe si ye. Alors, dites-moi différence ni nezali entre ki yungu, ki zengi, na idio. Na façon yako tu na kesyo boye, o liye o se terre. Yo ozo mitu na lisusu, yo pe ozo kamwe, ndenge ne baso continue ko beti lo maboko. C'est regrettable. Nakati ya Union africaine wana, bomoni il y a quelques semaines passées, je pense 2 semaines, ou 3 semaines, le Rwanda, Paul Kagame, a envoyé une délégation na Kinshasa bakuta na Félix. Nakati ya délégation na R bazongi na Rwanda, le Rwanda a yeko bimisa communiqué, Kagame a lobi le Rwanda doit assister Félix na mandat na ye na Union africaine. Parce que le Rwanda, Kagame akutana na Félix, ayebi ba limite intellectuelle ya Félix. Ayebi ba limite expérience ya Félix. Ayebi ba lakini ya Félix. Kagame alobi non, aza kameme mwana na ngai, na kotika yete, le Rwanda va assister Félix na manda na ye. Ngam na lobi yangote, c'est le Rwanda qui l'a dit, communiquer ezali. Et le Rwanda, ce qui a lobi likambo, a sale la kayango mbala moko. La Rwandaise, Monique Ntsazabanganwa, voilà, élue vice-présidente ya commission ya Union africaine. Pour aider Félix, pour assister Félix, il faut Rwanda Zalawana. Voyez-vous comment est-ce que les Rwanda azali kolanda Congo partout, infiltré au Congo. Félix Akena Union africaine, le Rwanda doit être là, dans le cercle wana. Il faut bazala wana bayeba. Makambo bazoyeba sa Félix, et c'est Félix Akosari et l'angona Union africaine, bien Akosari l'a dit. Sony. Sony P. Mawa. Alors, na vidéo na biso ya avant-hier na lobela ki makambo ya ba réfugié na moni bandeko ebele bazo contacter ngai soit disant non prof makambo lobela ba réfugié oui c'est vrai nazana ba information il faut na pesa yo nazana ba preuve nazana ba document il faut na pesa yo mais quelqu'un qui me contacte d'urgence prof lokolo lobeli makambo wana ya ba réfugié ya ba rwandais oyo bazali ko se faire réinstaller lokolo ba congolais nazali na ba information ba element nyonso ba document nazo nango les gars me contact il faut na pesa yo ango par appel téléphonique. Je lui dis non, ce type ya ba malin ya boye na ebi bango ebele tinda na no ba document oza nango ya ba preuve ya ba rwandais ndenge baza réinstaller comme ba congolais. Soki na moni ba document wana na moni ke c'est véridique ezali ba document moko vrai, je vais t'appeler. Photo solo là. Le monsieur donne condition kaka il faut payer son numéro à téléphone là. Bon, j'ai dit ok, je te donne mon adresse courriel. Tinda ba document wana. Après na kobenga yo. Monsieur Lobi non, il faut kaka opé son numéro à téléphone. Malade. Ma banda na yebisi ye, il faut otinda na no ba document akimi. Donc, ce sont des gens de Félix. Oyo bazo luka toujours qu'on soit numéro à téléphone na biso. Na yebite, bazo luka ni na numéro à téléphone. Je vous dis beaucoup zwa yangote. So ke ozwi numéro na ngai WhatsApp ou bien ni, oko zwa numéro ya ba mboka o na kendaka. Na mboka kore oko zwa numéro à téléphone na ngati. Un autre frère me contacte par mon numéro WhatsApp. Nazaba numéro WhatsApp, je pense 4, selon ba zone, ya ba pays. A contacté nga na numéro WhatsApp mosus. Alobi na nga prof, nazana ONG awa, na landaka yo mingi. Il faut sali sangai pona ONG oyo et avancer, il y a beaucoup de choses, yoza important ou aider bla bla bla bla, c'est très bien, c'est bon. Mais je suis curieux, na tunier mais ozui numéro oyo ya WhatsApp wapi. Ce n'est que normal, il faut na yeba quand même. Parce que na culture ya ba mboka onga nazali, na koyi ko pesa mutu numéro, soki na za numéro ya téléphone ya mutu. Mutu mususa sengi ngai. Avant na pesa ye, il faut na tout na mokolo numéro. Non, il y a quelqu'un qui m'a demandé ton numéro, aligné ko solola na yo, na pesa ye, bien na pesa te. Ce qui moutoua na andimi, pesa ye, oui, na ko pesa. Mais Congolais azali na culture moko. Bon, est-ce que, dis, oza numéro ya prof yombi, eh, naza nango, ce qui a tout niyo ko lobate ki ngamu na pesio. Quand vous demandez, nan ya pesio numéro na ngaye, nazan a droit koyé bango. Notre frère me dit oui numéro na zui yango na femme moko ya mondele ya aza basé na Londres aza mondele et femme wana pe azwa ki numéro na yo na oni numéro a WhatsApp wana femme wana zwa ki numéro na yo na oni yangwana pesinga apesi pe na kombo ya mwasi yango. J'ai dit à ses frères, mon frère aux menteurs, ceux qui ont ligné qu'au travailler au côté na communauté ya ba ONG na lokuta ya boye na ko aider yote au côté parce que obanda ko pesa ba rapport moko faux. Parce que numéro na ngai qui est connu na oni ezali numéro na ngai ya Corée. Que ça soit l'ONU de Genève, que ça soit l'ONU ya New York. Ce qui bali ba contact nga par téléphone, ba contact nga na numéro moko ya Corée, personne a yebi yango à part mes enfants na oni. Personne d'autre. Parce que téléphone na ce qui est sonné, na yeba ka déjà que ils allaient contact nanga ya makambo ya musala nanga na oni et sili personne d'autre a bien mais lui ses frères ici me contacte avec un numéro WhatsApp d'un autre pays ya continent mususu et il vient mentir nanya pesio non une femme na oni muta pesinga femme wana vraiment na oni azwa numéro a pesa yo a yebioté et ce numéro oni ba yebi yango te. Voilà les mensonges des Congolais. Et ce frère là, tu m'as dit qu'au solo na ye moi moke, vraiment na zalaki na volonté a ko aider. Voire même na chaye na circuit ya ba donateur ya ba ONG. Na sale la ye recommandation. Je connais cette personne, azali na ONG, il est sérieux, en tout cas, ce qui a besoin de financement, bo financer. Mais avec ce type de mensonge, franchement, na zubik rouge na rie. Ce n'est pas une personne au co présenté na bisika ndengo na koyoki sa yo son avec ses mensonges. Et puis eloko mususu botika kotungisa tozo ki de vers la fin botika kotungisa les amis ce que moni par exemple na sali live mingi mingi na sala ka live na notre ami au azona France Gisèle Wumba na sala ka live na ye na sala ka live na Kerwin Maizo na sala ka live na Bolia à Toronto au Canada na sala ka live na Baliangando e ba mimi mususu Fabien Kuswanika botika kotungisa bato wana soki olingi kosolola na ngai. Ce qui t'osali ba mi na Facebook, contacte-moi inbox, toko solo la. Ma solo nous osan ango besoin, toko solo la. Alors, il faut pas qu'on kende ko tungi sabatouana, pardon, Kerwin Maizo, pesanga numéro contact ya prof Yombi. Fabien Kuswanika, pesanga contact ya prof Yombi. Bako pesa yote. Moi, tel que je connais Kerwin Maizo, tel que je connais Fabien, tel que je connais madame Gisèle Oumba, Bolia. Batona bako pesa yo numéro nanga sans contact nanga te, sans ke ba contacte nga ite. Botika kutungisa bango. Botika kutungisa bango. Soko zana bezo ko sowa nanga yi. Soko zana Facebook te, créer Facebook, contacte nga inbox, na reponda ka mutu nyonso. Moi, je ne suis pas ce type de gens. En réalité, soko talibia, soki cette culture africaine, parce que la culture africaine est allée sur les moutouana, yebani moi mouke, batouba koma ka lo lendo mingi ko répondre batou. Moi, je ne suis pas comme ça. Na yamba ka téléphone, so ko melinga, inbox, na répondaka, eza la batouba finga angaye, na répondaka bango. So ke moni na répondre yote, se ke na moni yango na outi. Dès que na moni yango, je réponds à tout le monde. Alors, au lieu de contacter ngai moko, ce que vous avez besoin au lingi ko yebisa ngai. Mais pourquoi aller ko déranger bato mususu na sima? Alors mutuana so azo pesa yote, mutuana bimi mabe, oza mabe, osololaka na yombi, nazana besoin yombi. Pourquoi ozo pesa ngai numéro na yete? Mais non ako pesa yote. Pouvez-vous croire? Moi je dis souvent cette histoire yako vilipende. Bato oyo bakoyi ko défendre nga très bien. Ezali batu oyo bavandi na mboka Corée. Parce que bango batu bavandi e sikanga la vandi. bango batu bavandi esika ngai na sala kamusala. Bango batu bavandi esika bazo mona nga na televizio. Bango batu bavandi esika place nyoso bazo tambola. Soka lobi komba Kongo, ifo yoka kaka batange lo komba yobi. Une dame ki habite la Corée, na yebi yete quand même, ya yebi ngai, azali na problème ya mukanda, balingi ba refuleye, au lieu de me contacter directement, elle va me chercher na France et pas Kerwin Maïzo. Papa Kerwin, pesanga numéro a yombi, naza na problème awa, il faut nazo ali salisi. Mais elle est naza na Corée. Na tango ba miluvoro bazo finga ngai. Bazo vilipande ngai. Oni ba yebingate. Ba Corée ba yebingate. Université mokote na Corée ba yebingai. Ces gens-là, bazali na Corée, awa personne azali ko bima. Bon, ce qui n'a le 8 personnes, c'est exagéré. Il y a quelques 2-3 bazana courage de me défendre. Yo vandi, tango bazo vilipandenga, titete. Maintenant, bali ko refoule yo, au lieu que ko luka ba luba o ba vandi na Corée, basali sa yo. Bali ko refoule yo, basali sa yo. C'est yombi maintenant ozo luka po asali sa yo. Na usali sa yo te. J'ai dit à mon frère Kerwin Maïzo, je comprends parce que ce sont des gens boyenga moko directement koyate. Tellement yebi que je vous apprécie, n'apprécie à Kerwin Maïzo. Tikana leke pa Kerwin Maïzo, pour ce qui n'a expliqué Kerwin Maïzo, Kerwin Maïzo a kobonde la prof Yombi a kosali sanga ba refoule ngate. Ndeko ba ko refoule yo. J'ai dit ça à Kerwin Maïzo, en tout cas, toza ba frère, toza ba ami. Et bande ko ba ya comprendre était peut-être Kerwin Maïzo pe akozala étonné na lo bayango. Savez-vous que ngai na Kerwin Maïzo juste makambu ya biloko yo ezo kutisa bato na ndenga ko sakana te. Moi et Kerwin Maïzo totanga école moko na Kikwite. Moi et Kerwin Maïzo totanga école moko na Kikwite presque bané moko. Na école totanga wana ba préfet na biso kaka bangwana préfet Jacques bana Kikwite ba yibi préfet Jacques. Bahibi préfet Mabala. On a eu le même professeur avec Kerwin Maïzo. Mais vraiment, c'était étonnant, monde, les amoukés. Natangu tobandi ko sola, Kerwin me demande, prof, mais na yoki yo tango yozo sala live, au lobby combo ya Pungu, mais moi j'ai étudié à Pungu à Kikwite. Moi j'ai aimé comment? Nga na tanga na Pungu. Prof, tanga na l'époque nini, préfet nini. Abi na banda ki na préfet Jacques. Azam métis, loko la. Lokola Moïse Katumbi, après préfet Jacques Alongwe, à quel côté makama politique, et yego kota préfet Mabala, j'ai étudié. Mais Kerwin me dit, mais prof, mais moi j'ai commencé aussi avec préfet Jacques, j'ai fini avec préfet Mabala. Bon, pesa bakoma ba professeur na yo, to wani kotangana, muta pesa nga kouri a français, isepi, muta pesa nga kouri a géographie, muta pesa nga bo. On a été presque banemo. Presque bané moko. Donc, ce qui m'a dit, ce qui n'a pas koko, comme vous le dites, à koko, ou tala, ce qui a pembe, moutou moubima, ce qui a pembe, c'est que Kerwin Maïzo pe aza koko. C'est que Kerwin Maïzo pe aza koko. Il faut aza la, tala, koko, ou yo tingama mwana mouke Félix. Biso ba koko, to tingama Félix. Vous comprenez? Donc, monde est à monde mouke. Et les amis de Kerwin Maïzo, j'ai été en quelque sorte dans le groupe Batunani, famille Batunani na Lemba, ils ont étudié à Kikwite. Vraiment, on a étudié presque ensemble, mais on ne s'est pas connu à cette époque-là. C'est vraiment un plaisir. Donc, cette école a formé des gens. Vraiment, merci. Donc, ceux qui ont l'idée de contacter Ngaï Yomoko. Botika makamba m'influence wana. Influence c'est zana tina mokoti. Contacter ngai nazali mutu. Moi je suis easy going comme les Anglais disent. Naza muta lolendo te, nazaka na lolendo te. Mutu nyosa komela ngai na reponda kaye. Komela ngai on va se parler. Keboke ne ko tungisa batu. Donc, le col aux opé sangate, c'est que vous avez monté à ma bé, vous avez numéro naïe, pourquoi aux opé sangate, j'ai un problème, je veux lui parler, il faut qu'on paie ça. Non. Parlez-moi vous-même. Voilà, mes chers amis, n'est-ce pas l'oba qui l'élo, tout ou me la mingite, tout ya qui l'élo, pour toi, il s'abino, soni oyo, Félix a pessi biso na Union africaine, soni national, il devrait démissionner, soit à Zalaka sérieux, mais bon. Félix a yébi makamba démission, te a yébi a voté. Humiliation nan dengiwa. Donc, je vous ai démontré que Félix, dans sa propre maison, il n'est pas respecté. Dans sa famille biologique de ses parents, il n'est pas respecté. Dans son parti politique, il n'est pas respecté. Au niveau national, avec les Congolais, il n'est pas respecté. Ba Congolais, ba saele lipa oba bengi mabundia fachi. C'est vraiment insulte. Na président de la République. Au niveau sous-régional, le président, il y a un niveau sous-région, régional bazo respecté y était, au niveau régional bazo respecté y était, au niveau international na bosanaki bobonaki ndenge Trump a tambusaki Félix ndit abaniko ke laksaye ba flair akomo ke laksaye ba parents na ye bakufa ono président oyebi papa nanga akufa bakunda ye na cimetière boy a tokei anatanda Trump azo zelisaye ake otala cimetière ya ba noko ya nzita ya ba kuze ya nzita. Pouvez-vous croire un Mobutu? Même ces Rwandais ici de Kabila. Ces Rwandais Kabila, vraiment, le président du monde, il y a un monde qui a été en été deux semaines aux États-Unis, à Zozela, Trump a été en été. On n'a pas vu ça avec Kabila. Si vous avez même au niveau sous-régional, Kabila, ou les Rwandais, il y a son. A Bengisa, une réunion, il y a été. Investir à Félix, le président Bayete. Soni na son. A qui na Union africaine, yé moko na photo, yé moko. Le président ba préféré, ba qui na bango, et pas Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a ta yopé, o tchombe. O tchombe. Famille o te sege de basala yoni. Vraiment, yo yébi. Parce que ces réunions ici de l'Union africaine, investir, tout ça, c'est planifié depuis des années. Ils ont bien connu. Dengue toza boyeba yebi très bien que na 2021, na 2022, et koza la jour nini, date nini, heure nini, et yebani. Mais Denis Sassou Nguesso préfère koza la, et loko na ye, inauguration ya université na ye, jour où yebi très bien que Félix a zozwa pouvoir na Union africaine. Et au lieu à kende ko inaugure université na ye, ye mokote, a invité les présidents africains pour ba saboter Félix. Ochombe azana kanda moko ya osanate. Nko oyo ya ndengo wana. Alors, qui respecte Félix alors? Qui? Bon, prouvenga nani a respecté Félix. Même si Milvor bazo ko ganga wa. Nani a zo respecté Félix? Qui? Voilà ce qu'on a démontré aujourd'hui. Merci beaucoup pour la Kolanda Biso pour la Lelo. Je pense que pour vidéo et limoité, beaucoup partagé vidéo pour to garder toujours ma archive. Et ça la te onon, olobaki boyote na lobaki te ngai, je garde mes archives. Et les jours où yo toko kutana, to banda ko binisa ba archive yo. To banda ko binisa ngo. Alors, merci. Je suis désolé, nazoka soni na kombo ya ba Congolais nyonso, ezali vraiment humiliation, ezali honte, ezali insulte au ba président africain apesiso siko, ba africain ba komiko seka biso. Soki botali na ba chat ya ba africain bazo seka Congo, mais c'est impossible na histoire mobimba ya unité ya Union africaine oyo, ba président ba boya. Ba président ba boya. Kokende ko assister na prise ya pouvoir ya président Mususu. Atikali ye moko, batindi ambassadeur te, batindi envoyé spécial te, batindi conseiller te, batindi ministre te, batindi mutu moko te, ezala basi na bango bon. Madame, moi je suis fatigué kende ko assister na investir ya national ya ba congolais. Personne. Personne alors, Félix s'est retrouvé seul na ba Milouvor na ye 500. Muninga kena ba vyo mi balé mobimba 500 spasi ba moni na kabeya kama ngako kanga bamboa batatu bango moko balé bamboa na bango ba milu na bango e na ebite soki soni wana apoli na soni na ebite soki asia zongi ou bien zongi nan te toyebite. Quelle insulte. Afrique mobimba baso lobelango. Afrique mobimba. Toyebisa ki bino. Ba pesa ka pouvoir na idioté. Na yebisa ka bino à tout moment. Kabila ko pesa pouvoir na Félix ezalaki eloko ya esengote. Ezalaki eloko a plaisir te. Kabila voulait nous insulter. Kabila linga ko insulter biso parce que to fingie mingi. To fingie mingi pendant 18 ans. Alors po azong se la biso insulte wana, Kabila a décidé ki a lui bon na ko finga bango ndenge ba finga kingaye. Tikana tchela bango un idiot à la tête de pays, de ce pays pour que ba yeba na zandenge nini. Tolobaki yango te. Et si kanini Félix a kokende o esengwe ezali bo yebisa ngai. Mutu nini atangela ngai sika moko o Félix a kokende esengwe ezali esika nini. Na kati ya Congo mawa lukuta muyipi. Kadiosha ko atake bato, ko beta bato, ko boma bato, ko kanga bato. Ba prison iko kanga masoki na dès le premier jour na tokoma président. Lelo ba prison e botami ebele ya sa mai, ya sa molini. Akene na niveau sous-régional, koyoki sabiso soni. Akene na niveau international, koyoki sabiso soni. Vraiment. Ata binomoko, mes chers beaux-frères, mes chers milovores. Ata binomoko. Mokolo moko tebo koyoko somba ta soni ya jour moko. Tout le monde a vraiment ata jour moko, lelo tout le monde ata milovore moko te na circulation. Bo yoka kaka même soni. Bo yoka soni. Ye moko siko atuni bino. Azo kamwa, ye moko, azo kamwa, pourquoi bozo kumisa ye? Et pourtant boza mertri, affamé, boza nanzala, ba kalamite, o liye bo tou na ye ba kont, yo ya ki po servir biso, boni bo yo komi komi servir yo moko, bino bozo kumisa ye, ye pe akamwa. Ngam na lobi angote, il a dit lui-même, azo kamwa, denge biso tozo kamwa. Yango tozo loba, toujours, un idiot est un idiot. Deux idiots sont des idiots. Trois idiots sont trois idiots. Un million d'idiots, c'est un parti politique. Ce parti politique, c'est l'UDPS. L'UDPS est composé des hommes des tribus. Les hommes des tribus sont des milovores. Le milovore sont des citoyens congolais génétiquement tshisekedisés. Ils ne raisonnent que sur base de leur tribu. Merci beaucoup pour aujourd'hui et au revoir.